Partout en Corée, on remporte des succès dans la campagne automnale pour l'aménagement du territoire national. Tous les ponts sur les routes de Pyongyang à Chongjin sont réaménagés dans la province du Heungang du Sud, alors que dans les provinces du Tsagang et du Fangye du Sud viennent de terminer fructueusement les travaux pour l'amélioration technique des routes, comme l'élargissement routier et la construction des murs de stènement. Dans la province du Pyongyang du Nord, on a construit nouvellement le pont 1 Wonse et le pont Munbon, et terminé dans un court laps de temps les travaux de réparation de sept ponts. Au chantier de construction du 4e digue de Lyonghua de la province du Pyongyang du Sud, on vient de terminer avec succès le remblai de 25 000 m3 de terre, alors que dans la province du Gangwon, l'endiguement du cours d'eau de Chukchun est en achèvement, et partout dans le pays, on a remarqué des postes dangereux des cours d'eau avant de prendre des mesures nécessaires contre les dégâts naturels.